mettre pour du silence pour pouvoir parler. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'infection urinaire chez l'enfant. En fonction du temps, si on travaille bien, on va faire passer tout ça en deux parties. La première, je vais vous rappeler quelques éléments, des choses que vous connaissez sur l'infection urinaire. Et s'il nous reste du temps, je vous ai préparé trois cas cliniques. On va essayer de travailler ensemble. L'infection urinaire, je ne vais pas vous parler comme un cours d'essayer de. Il y a des choses qui sont acquises déjà, l'infection urinaire. C'est pour cela que je vais essayer de vous donner des choses qui sont d'actualité, qui sont récentes et pratiques. Alors, il faut savoir que c'est un problème de santé publique. Là où vous allez avoir des infections urinaires, que ce soit aux urgences, que ce soit en consultation dans des polycliniques, au milieu hospital universitaire ou autre, c'est un problème qui est quand même fréquent. Il faut savoir que c'est la deuxième cause de prescription d'antibiothérapie. Donc c'est important. Pourquoi c'est important? La première cause de prescription des antibiotiques, c'est les infections respiratoires aiguës, pulmonaires. Et la deuxième, c'est l'infection urinaire. Et chaque fois que vous avez une pathologie pour laquelle vous allez prescrire des antibiotiques, ça veut dire probablement flore microbienne, émergence de résistance, antibiorésistance, et ainsi de suite. Il faut faire très très attention parce que, pour ne pas perturber donc, la flore digestive, en particulier pour l'infection urinaire, donc il faut faire très attention à ça. C'est la deuxième cause d'hospitalisation, ça dépend des services, mais quand même, ça occupe quand même, on hospitalise beaucoup d'enfants qui ont des infections, mais parce qu'ils ont d'autres problèmes, c'est les malformations rénales. Alors la hantise, il faut faire très la part des choses entre l'infection urinaire chez l'adulte et l'enfant. Ce n'est pas le même problème du tout. Ce n'est pas le même problème. Ça ne veut pas dire que le germe n'est pas le même, les risques, non. Mais ce n'est pas la même problématique. Pourquoi? Parce qu'un enfant, la hantise, c'est de se dire toujours, est-ce qu'il y a une malformation? Cet enfant, est-ce qu'il a une malformation? Pourquoi il a fait une infection? Le deuxième problème qui est particulier par rapport à l'adulte, c'est que quand vous avez une lésion qui est due à un germe au niveau rénal, le rein de l'enfant, il est encore en pleine croissance. Donc vous pouvez arrêter par le processus inflammatoire la croissance normale, alors que chez l'adulte, la croissance s'est faite normalement. Donc ce n'est pas le même problème, il faut faire attention. Même l'antibiothérapie, tout ça, il ne faut surtout pas superposer le même problème au niveau du traitement, en particulier chez l'enfant. Les infections urinaires, c'est des présentations différentes. Quand vous avez, par exemple, une cystite répétée, ça peut faire des problèmes chez la fille en particulier, parce que ça peut donner des problèmes psychologiques, des problèmes au niveau de la scolarité. Donc, il y a un impact psychologique également. Je vais essayer d'aller vite. Il faut faire très attention. Actuellement, on fait très attention. Quand on a une infection urinaire, on fait des examens complémentaires, mais on ne réfléchit pas au coût. Le coût économique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des examens inutiles, qui sont onéreux, coûteux, pour rien. Donc il faut qu'il y ait une stratégie, on va voir tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une infection urinaire? L'infection urinaire, vous savez que dans les urines, en principe, il n'y a pas de germe. Il y a des germes juste au niveau de la partie distale de l'urètre. Le rein, les voies excrétrices, le bassinet, l'urètre, l'urethère, hein, la vessie et l'urètre. Dans les urines, il n'y a pas. Donc, l'infection urinaire, c'est la présence d'une bactériurie qui est significative et associée à une leucocyturie. Vous devez savoir ce que c'est qu'une leucocyturie. Et c'est très simple parce que quand vous avez une infection à un germe qui arrive, là, il y a des polynucléaires qui vont arriver. Et en principe, dans les urines, ça c'est important, quand on a la bactériurie, souvent il y a une leucocyturie. D'accord? Ça c'est important pour le diagnostic. Alors, il y a plusieurs types d'infections, si vous voulez. Pardon, je reviens en arrière. Ben, vous avez l'infection qui est haute, elle atteint le parenchyme rénal, pyélonéphrite. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une pyélonéphrite. Néphrite, c'est l'atteinte du parenchyme rénal. Piélo, c'est au niveau excrément, c'est les deux. Le rein, puis le piélon. Piélonéphrite. La piélite, ce n'est pas la piélonéphrite. D'accord? Ensuite, vous avez l'atteinte qui est basse, c'est la cystite. L'atteinte de la vessie, c'est la cystite. On pourrait dire urétrite, urétérite, ça ne veut rien, absolument rien dire. Pourquoi? Parce que dans la pratique, nous avons besoin de dire, est-ce que c'est une infection urinaire qui est haute, piélonéphrite? Vous avez de la fièvre, on verra tout ça. Ou bien, est-ce que c'est une infection urinaire qui est basse? C'est la cystite. On verra tout ça tout à l'heure. Mais faites attention, et ça, c'est un piège. Il y a une troisième forme qu'on appelle la bactériurie asymptomatique. Je vous explique. Vous allez dans les écoles, par exemple, vous prenez toutes les filles de 6 ans, 7 ans, et vous allez leur faire un examen cytobactériologique des urines. Bien fait, où il n'y a pas de risque de contamination, vous avez pris toutes les précautions. Vous allez être surpris, vous allez trouver que certains enfants ont une infection urinaire. C'est une infection, mais ils ne se plaignent de rien. C'est ce qu'on appelle la bactériurie asymptomatique. À peu près il y a des études anciennes qui ont été faites qui ont montré que c'est une prévalence de 1,9%. Prenez 100 enfants et vous allez trouver une ou deux. Pourquoi c'est important dans la pratique? Parce que dans la pratique, parfois vous avez un UCDU comme ça et vous voyez, il y a une bactériurie. Oui, mais vous ne devez pas tenir compte. Pourquoi? Parce que la bactériurie asymptomatique, si vous la traitez, et ça ce qu'on faisait il y a quelque temps, et c'est faux, vous allez entraîner une émergence de germes et vous allez être devant une authentique infection et résistante. Ce qui veut dire que quand vous avez un ECB, vous demandez d'abord la clinique. Est-ce qu'il y a des signes? Les parents vous disent, pour la fille en particulier, ou le garçon également, non, il n'y a aucun signe. Et pourtant, vous avez une bactériurie significative et vous avez une leucocyturie. Parfois, vous n'avez pas de leucocyturie, ça c'est un petit signe, mais vous n'avez aucun signe clinique. Faites attention à la bactériurie asymptomatique. Première question, pour faire un peu de la physiopathe et tout ça. Pourquoi l'enfant ne fait pas une infection urinaire? Pourquoi l'enfant ne fait pas une infection urinaire? Il faut plusieurs critères. D'abord, il faut que son développement rénal, qui se fait en intra-utérin, à la quatrième semaine de gestation, vous avez le rein. Ce n'est pas la peine d'aller faire de l'embryologie. Il faut juste comprendre qu'il y a le bourgeon urétéral qui, à la quatrième semaine, va se développer. Et il va se développer. Et en face, il y a ce qu'on appelle le tissu mésonéphronie. Et il va y avoir une différenciation. Le rein fœtal va se former. À la quatrième mois de gestation, il est fonctionnel. Il va subir une rotation, il va subir une migration. C'est pour ça que vous allez avoir des malformations par mal de rotation, des malformations par défaut de migration, et ainsi de suite. Donc le rein va se former. Donc cet enfant ne fera pas d'infection parce que tout est bien, c'est bien développé. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fonction rénale qui est normale. Ce n'est pas suffisant. Et il y a deux éléments qui empêchent la multiplication des germes. C'est l'osmolarité, regardez, urinaire qui est très élevée. Elle est de 600 milliosmoles. Le pH urinaire, souvent, il est acide. On va trouver des pH alcalins, mais acide le plus souvent. Vous savez que le pH, c'est en fonction de l'alimentation. Mais souvent, il est acide. Ces deux éléments ne laissent pas les germes. Même s'ils arrivent, ils ne vont pas se multiplier. Donc, il n'y a pas de multiplication de germes. Et ensuite, même tout cela n'est pas... Il faut encore un autre critère. Il faut qu'il y ait un système vésical compétent. La vessie. Une fois qu'il y a production des urines, les urines vont arriver au niveau de la vessie. Il ne faut pas qu'il reste au niveau de la vessie. Rappelez-vous, stagnation, multiplication, infection. Pourquoi est-ce qu'on a 4 ou 5 mictions par jour? C'est pour que la vessie, pour qu'il n'y ait plus de cette stagnation, justement. D'accord? Donc, il faut tout ça pour qu'il n'y ait pas d'infection. Alors, on peut se poser la question également, pourquoi un autre enfant, je parle de la pédiatrie, fera une infection urinaire? Il y a deux mécanismes qui ont été connus au début, qui sont clairs, simples à comprendre. Un, regardez s'il y a une obstruction. Voilà, vous avez mis une flèche du flux urinaire, le rein, les papilles, le bactérien, pas descendre. En haut, on ne dirait pas les mandalas, on arrive à la médecine. Je vais parler de la fleur terrible des freins. Là, il y a des gens. Et c'est des gens qui s'en s'approfitent. C'est des gens qui ne laissent pas la colonisation d'autres gens qui vont arriver. On a besoin de ces gens. Comme il y a la microbiote digestive, la même chose. Donc le premier mécanisme, c'est l'obstruction. Imaginez que vous avez une obstruction au niveau, ici par exemple. C'est à l'envers, hein. J'arrive pas à... Une obstruction. Obstruction, ralentissement du flux urinaire, stagnation, multiplication et infection. Et ça, on le voit dans ce qu'on appelle les uropathies obstructives. Il y a des malformations qui font que le rein va faire son travail, mais les urines ne vont pas passer normalement. Quand il stagne, vous allez avoir une infection. S'il n'y a pas d'obstruction, il y a d'autres mécanismes, surtout des mécanismes fonctionnels. Je vous donne un exemple. En pédiatrie, on connaît très bien, c'est fréquent, le reflux vésico-urétéral. Exemple. Il y a d'autres problèmes fonctionnels. Regardez ici. Vous avez ce qu'on appelle la jonction intravésicale, urétérovésicale. Et en réalité, si on coupait la vessie, on trouverait que l'urethère, elle descend comme ça un peu, et elle a une distance comme ça. Pourquoi? Parce que quand les urines vont arriver à passer au niveau de la vessie, ils ne doivent pas remonter. D'accord? Mais si vous avez, c'est comme un mécanisme antibac. Et si vous avez une fragilité à ce niveau qui peut se voir chez les enfants, qui peut disparaître avec le temps. C'est le reflux psycho-urétéral. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça va donner une infection? Et parce que vous avez des urines qui vont monter, ensuite ils descendent, ils montent, à un moment donné, la vessie se vide, mais il y a des urines qui vont encore revenir, vous allez avoir ce qu'on appelle le résidu post-nictionnel. Résidu post-nictionnel, c'est pas bon. Résidus post-nictionnels, l'infection, multiplication et infection. Je peux vous donner un autre exemple de fonctionnel. Exemple. Ce n'est pas ici, par exemple, ici. Pas ici, mais au niveau de la vessie. Parfois, vous avez ce qu'on appelle l'immaturité vésicale. Une vessie qui n'est pas encore stable. Instable, vessie instable. Et bien, si elle est instable, parce qu'elle doit se vider, elle se vide, mais elle ne se vide pas complètement, et ainsi de suite, et bien, vous allez avoir un résidu. C'est connu en pédiatrie, les cystites répétées peuvent être dues à ça. Vous voyez donc un trouble fonctionnel que nous donnons. Mais après, il y a un autre mécanisme, il faut le connaître. Le mécanisme, c'est, qui est découvert depuis une dizaine d'années par les microbiologistes, c'est qu'il n'y a ni trouble, ni obstruction, ni un trouble fonctionnel. Mais quand même, il y a des infections. Il y a des infections parce que les microbiologistes ont remarqué que certains virus, et sur l'arbre pyrométhologique, ils ont mis en évidence des récepteurs. Des récepteurs à quoi? Ben, des récepteurs à certains germes virulents qu'on appelle Escherichia coli. C'est pas grave. Voilà, je voulais vous montrer Escherichia coli schématiquement. Vous voyez Escherichia coli qui est en haut, schématique? Vous avez vu un prolongement qu'on appelle le fimbrié ou le pili. Les Escherichia coli, il y a plusieurs sérotypes. Vous avez 150 sérotypes. Vous pouvez tomber sur des Escherichia coli, entre guillemets, gentils. C'est ceux qui vont vous donner la bactériurie asymptomatique. Ils ne sont pas virulents. Ceux qui ont le fimbrié, ils peuvent s'attacher à ces récepteurs. C'est ce qu'on appelle la notion d'adhésivité. Alors comment, sur un arbre uronéphrologique, il n'y a pas d'anomalie anatomique ni fonctionnelle, un germe va entraîner une infection. Comment? Parce qu'il est virulent. Virulent, oui, Mais qu'est-ce que ça veut dire virulent? Ben, virulent, c'est d'abord, il a le fin brillé, il s'attache, c'est la notion d'adhésivité. D'autres germes ne s'attachent pas, ils sont là, après ils sont vides. Certains, même Escherichia coli, parce que dans les Escherichia coli, il y a plusieurs sérotypes, hein, je vous dis. Hein. Il y a ceux qui ont le fin brillé, le pili, on l'appelle le pili, il y a ceux qui ne l'ont pas. Une fois qu'ils s'attachent, c'est l'adhésivité. Et ce n'est pas ça la virulence encore, c'est la sécrétion d'hémolysine. C'est des protéines. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces protéines? Ils vont déclencher la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, des cytokines, et qui va vous entraîner, donc, toute la cascade de l'inflammation, un œdème, et bien il y a un œdème alors qu'il n'existait pas cet œdème. Au niveau donc des voies excrétrices, et bien il va y avoir un ralentissement du flux. Parce qu'il y a un œdème inflammatoire qui s'est formé, alors qu'il n'y avait rien du tout. Et puis, donc stagnation, multiplication, et même ces germes, tellement ils sont virulents, ils peuvent remonter à contre-courant des urines, ils peuvent aller même au niveau du parenchyme rénal, ils vont créer ce qu'on appelle la pyélonéphrite, qui est quand même pas la cystite. Hein. Pyélonéphrite, c'est quand même une infection, une suppuration, une infection grave. Pour schématiser rapidement, je voulais vous parler un peu de la pratique. Attention, par exemple, bon, vous avez la prothèse urétrale, on a vu que elle est indispensable pour qu'il n'y ait pas trop d'ovulation, pour qu'il n'y ait pas de pénétration, comme si c'est la première défense qui existe. Mais attention également chez le garçon. Chez le garçon, vous avez souvent des adhérences prépuciales, le prépuce. Le prépuce, c'est un réservoir de germes. Et en particulier, le proteus mirabilis. Quand vous voyez proteus mirabilis chez un enfant qui n'a pas eu de circoncision, un garçon, donc vous allez avoir une bactériurie assez. Je n'ai pas parlé de la bactériurie significative, c'est 10 puissance 5. J'espère que vous savez, hein, 10 puissance 5 germes. Inférieur à 10 puissance 3, il n'y a pas d'infection. 10 puissance 3 et 10 puissance 5. D'accord. Donc vous gardez l'adhérence prépuciale. L'immaturité visicale, je vous ai parlé tout à l'heure, une vessie qui ne sait pas encore ça, un enfant, un garçon ou une fille, surtout une fille, on est propre jusqu'à l'âge de 4 ans. Certains enfants ne sont pas encore propres à l'âge de 4-5 ans et leur vessie n'est pas encore stable. Jusqu'à 5-6, ça peut... Et cette immaturité vésicale ou la vessie instable peut vous donner des infections. Quand on parle d'infections, très souvent, actuellement, on ne fait jamais la part des choses, on ne cherche pas. Les cas oubliés. Ah, oui. Je n'ai pas une belle voix. D'accord. Voilà. Donc l'infection, pour aller vite, comme ça on aura le temps de faire des exercices. Je parlais donc des troubles digestifs. Quand vous avez un enfant qui fait des infections, en particulier répétées, je parle des filles, mais ça peut atteindre également les garçons. C'est vrai que le sexe ratio, c'est plus de filles que de garçons. Mais l'infection urinaire, il faut savoir que chez le garçon, moins de 3 mois, elle est plus fréquente chez le garçon. Quand vous dépassez 3 mois à 6 mois, ça devient les filles. Après, vous avez après un an, c'est 4 filles pour un garçon. Le sexe ratio, c'est un garçon pour 4 filles. Mais c'est après un an. Hein, il faut savoir que c'est le garçon. Moins de 3 mois, déjà, c'est le garçon qui est fréquemment... la prévalence est plus importante. Bon. Bref, pour revenir, faites attention. Toujours demander... Quand vous faites l'enquête et tout, pourquoi il y a des infections pour essayer de régler le problème, vous êtes obligé de savoir s'il y a une constipation. Vous allez me dire quel est le rapport entre constipation et infection urinaire. Ça peut exister, regardez. Quand vous avez des troubles de constipation, donc vous allez avoir des aliments qui vont s'arrêter, c'est clair. Et puis sur le plan anatomique, quand vous faites une coupe, juste à rappelez-vous, vous avez la vessie, mais derrière il y a le rectum. Alors le rectum, lorsqu'il va se dilater, il peut même comprimer la vessie, et la vessie ne se videra pas complètement. Un des mécanismes. Deuxième mécanisme, il n'y a pas de compression directe, mais il y a des stimulations. Quand il arrive à ce niveau, comme ça, il chatouille un peu la vessie. C'est ce qu'on appelle le détrusor lorsqu'il est stimulé, des stimulations inappropriées, ce qu'on appelle les stimulations inappropriées du détrusor, et ça va vous donner cette immaturité des idées. Regardez-moi. Ce qui est important, c'est que quand vous avez des infections qui se répètent, demandez toujours est-ce qu'il y a des problèmes digestifs, en particulier une constipation. Pourquoi? Parce que quand vous réglez le problème de la constipation, vous n'aurez plus d'infection. Donc, il ne faut pas se braquer uniquement sur l'infection. Pourquoi j'ai mis génétique, c'est XR1 et tout ça? Actuellement, il y a des études qui pensent que ne fera pas des infections comme ça. Il y a peut-être des familles à risque. Il y a peut-être une atteinte au niveau de l'immunité innée. Il y a peut-être une prédisposition familiale. Vous allez voir, certaines familles feront plus d'infections que d'autres. Pour quelle raison? Actuellement, on est en train de démystifier un peu le problème. Très bien. Ça, c'est très important. Comment on fait le diagnostic de l'infection? Quand vous êtes dans la pratique, l'infection urinaire égale examen cytobactériologique des urines. C'est indéniable. Vous êtes obligé de faire le CD. Et quand on fait l'examen cytobactériologique, il faut le faire dans de bonnes conditions. Ça, vous le savez. Mais les résultats, vous les aurez après. Donc, ce n'est pas très intéressant du point de vue diagnostique. Vous avez fait des gardes en pédiatrie ou ailleurs. Vous êtes obligé de réfléchir et de dire finalement, est-ce que c'est une infection urinaire, cet enfant? Comment je vais faire pour dire qu'il y a une forte probabilité que ce soit une infection? Très bien, je ferai le CV, d'accord. Mais est-ce que... Eh bien, pour répondre à cette question, vous devez travailler avec la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, on a essayé de faire une enquête, on est en train de voir que finalement... Les gens ne l'utilisent pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la bandelette urinaire? Comment est-ce qu'elle va nous aider pour régler le problème? Alors, le principe de la bandelette urinaire, vous savez que dans les urines, vous n'avez pas de nitrite. Nous tous, nous avons des nitrates. Pour avoir des nitrites, ça veut dire qu'il y a une oxydation des nitrates en nitrites. Et ceux qui oxydent les nitrates en nitrites, c'est les bacilles gram négatives. Donc, si je fais un prélèvement des urines, je fais la bandelette, c'est pas le lapstix, faites attention. Le lapstix, c'est zéro pour l'infection urinaire, c'est pas bon. C'est le multistix, c'est la bandelette urinaire. Je recherche les nitrites et les leucocytes. Pour les nitrites, quand je fais comme ça, et j'attends, je vois que les nitrites, c'est positif. C'est très fortement en faveur de l'infection et je vais vous montrer. Alors, voilà un peu le principe. Attention, les limites, il faut faire très attention. C'est un test de dépistage. C'est pas la bandelette qui vous dit il y a une infection. Faites attention. C'est l'examen cytobactériologique des urines. Mais la bandelette va nous orienter. C'est un test d'orientation. Alors, actuellement, on nous dit c'est peut-être pas bon chez les enfants de moins de 3 mois. Pour quelle raison? Parce que pour avoir une bonne bandelette urinaire, il faut qu'il y ait quand même que les urines ont séjourné pendant au moins 3 à 4 heures dans la vessie. Mais on sait qu'un enfant de moins de 3 mois, il a une polyurie physiologique, parce que sa vessie, elle est petite. Dès qu'elle s'est remplie, elle se vide, hein, le nouveau-né, il urine beaucoup. C'est physiologique. On pensait que ce n'était pas bon, du moins de 3 mois, ce n'est pas bon. Il y a une méta-analyse récente, 2014-2015, une étude comme ça, qui commence à dire que non, même la bandelette urinaire, on a remarqué, et c'est pas mal, et c'est... À partir de 1 mois, c'est bien. Mais retenez 3 mois, mais il faut peut-être que ce 3 mois va peut-être progressivement changer en. Donc cette bandelette urinaire, elle est intéressante chez les enfants. Mais vous avez bien compris que, faites attention, elle peut être négative alors qu'il y a une infection. Dans quel cas? Rappelez-vous, dans les infections urinaires, quels sont les germes les plus fréquents? C'est les bacilles gram négatives. C'est 90%. Dans les bacilles gram négatives, le plus fréquent, c'est Escherichia coli. Mais il vous reste 10%. 10%, ce n'est pas des bacilles gram négatives, c'est les coxigrammes positifs. Les coxigrammes positifs n'ont pas cette capacité de réduire les nitrates en nitrites. Ça veut dire que vous pouvez enlever, pas tout le temps, sur une infection. très sûr avec vous qu'il a l'expérience clinique, qui vous dit non, c'est tout, je suis sûr, c'est presque sûr que c'est une infection, pensez à ces gènes, aux oxygènes positifs, c'est possible. Malheureusement que ce n'est pas fréquent. Donc voilà. Donc la bandelette urinaire, je vais aller plus vite. Visiplaine, lecture ambiante de 24 heures. Voilà, quand vous faites la bandelette urinaire, vous allez avoir des résultats. Il y a 4 résultats. Vous ne pouvez pas avoir plus. Je vais prendre le résultat le plus simple. Et bien, le plus simple, j'ai fait, j'ai trouvé des nécrites, j'ai trouvé des leucocytes. C'est très bien. C'est probablement une infection urinaire. D'accord, je vais faire le CBI pour confirmer. Vous êtes obligé d'avoir l'antibiogramme, isoler le germe. Mais dans ma pratique, je sais que c'est une forte probabilité que c'est une infection. Et ce n'est pas autre chose. Et ça, c'est très important. Parce que vous allez réfléchir devant l'enfant. Il ne faut pas faire d'erreur. Vous dites, moi j'ai fait la bandelette urinaire, il y a des positifs, et ben, c'est une forte succession de DAB. Je n'ai pas encore confirmé l'infection, d'accord, mais vous allez oublier les autres diagnostics différentiels dans la pratique. Mais supposons que maintenant, vous avez des nécrites, mais vous n'avez pas de leucocytes. Vous avez des leucocytes, vous n'avez pas de nécrites. C'est ce qu'on appelle les résultats dissociés. Comment je vais les interpréter? Alors faites attention, si j'ai des nécrites, c'est encore rien, même si la sensibilité n'est pas bonne, mais c'est probablement encore une infection. Par contre, si vous avez juste le leucocytes, il n'y a pas de nécrites, très attention, ce qui est à voir souvent, les résidents, ils viennent me présenter, ils me disent, voilà, on a pensé, le leucocyturie, il n'y a pas de nécrites, donc infection. Et ce n'était pas des infections urinaires. Faites attention aux infections génitales. L'ulocociturie sans bactériurie, elle peut se voir quand vous avez de la fièvre uniquement, quand vous avez des néphrites interstitielles, quand vous avez des maladies inflammatoires rénales. Donc, ce n'est peut-être pas spécifique pour l'infection. Par contre, nitrite seul, ok. Ce qu'il faut savoir, que la bandelette urinaire, son intérêt, finalement, ce n'est pas quand elle est positive. Je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est lorsqu'elle est négative. Si je la fais dans de bonnes conditions et ma bandelette urinaire, elle est négative, il n'y a pas de leucocyte, il n'y a pas de nitrite. Eh bien, la valeur prédictive négative, vous savez ce que c'est qu'une valeur prédictive négative? C'est la valeur pour laquelle, quand j'ai fait ce test, réellement, parce que elle est négative. Vous avez le test et la maladie. Le test, il est négatif. Parfois, vous pouvez avoir un test négatif, mais la maladie existe. La valeur prédictive négative, c'est combien de fois le test était négatif et réellement, il n'y avait pas de maladie. C'est très important, 97%. Je vous échappe quand même, comme un grand échappé. Et 97%, c'est très bien. Autrement dit, en pratique, je reviens à la pratique, vous avez un enfant qui est souvent un nourrisson, qui est près de la fièvre, son foyer est vivant, vous ne savez pas si c'est une méningite, une pneumonie, une pyélonéphrite. Vous avez fait votre bandelette urinaire, elle est négative. Parce que la bandelette urinaire, c'est vous qui allez la faire. L'information, elle est rapide. Vous n'allez pas envoyer au laboratoire, vous allez attendre. Elle est informative et elle est rapide. Et vous allez dire, c'est lorsqu'elle est négative, faites attention, c'est bien, parce qu'elle m'écarte l'infection. L'élément de certitude, c'est l'infection urinaire, c'est le CBU. Mais il faut savoir que le CBU, il faut avoir des urines. Comment vous allez avoir des urines? Alors, retenez, mais je vous ai mis que 2, mais il y a 4. Je les cite pour vous, on ne sait jamais. Vous prélevez des urines par fonction sucubienne. Voilà l'enfant. On fait un repérage échographique, on repère la vessie et on fonctionne. Et on prend donc des urines. C'est le gold test. C'est le test de référence. C'est le test où il n'y a probablement pas de contamination. Mais il est invasif, vous avez compris. Personne ne le fait. Dans des services spécialisés, même pas, même aux États-Unis. Ça ne se fait pas tout le temps. Le deuxième type de prélèvement qui est intéressant, c'est, comme vous dites, le sondage vésical, le cathétérisme urétral. Certains ont dit, voilà, c'est mieux, on a démontré, oui, effectivement. Apparemment, chez les filles, c'est facile. On rentre, aller-retour. Mais chez le garçon, rappelez-vous, l'urètre du garçon, vous avez l'urètre antérieure, l'urètre ventanale et l'urètre postérieure. Très souvent, il y a des dégâts, il y a des lésions, il y a des traumatismes. Donc, il est bien, effectivement, mais en pratique, très difficile de le faire. Qu'est-ce qui reste? Deux types de prélèvements. Deux types de prélèvements pédiatriques. Le prélèvement au milieu du jet. Vous nettoyez, vous savez qu'il faut nettoyer, donc je ne suis pas sur ça. Bien sûr qu'il faut faire les choses bien. Ensuite, l'enfant est là. Il a une miction sur commande, parce qu'il est un peu âgé, plus de 2 ans, 3 ans. La maman lui dit de boule et boule. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va prendre les urines, on laisse passer les premières urines. Au milieu du jet, on prend et on recueille les urines sur les tubes stériles. C'est ce qu'on appelle cage. Et on voit en forme. D'accord. Donc, au milieu du jet. Et vous avez le deuxième prélèvement. Quel état? Qu'est-ce que c'est que ce prélèvement? Tous on le fait, mais faites très, très, très attention. Je ne sais pas, je le répète tout le temps, mais je ne sais pas. Alors, c'est quoi le deuxième? C'est vous avez placé le sachet adhésif. Vous connaissez le sachet adhésif? Une fois que vous avez placé le sachet, vous avez nettoyé l'un, vous placez le sachet adhésif, vous attendez. L'enfant urine. S'il n'urine pas pendant 20 à 30 minutes, il faut l'enlever. Parce qu'il y a une contamination. Et puis, vous allez refaire un deuxième. Technique simple. Elle n'est pas invasive. Mais c'est là où il y a beaucoup de contamination. Ça peut aller jusqu'à 85% de contamination. Avant d'aller dans les contaminations, il faut comprendre une chose, parce que des fois, on est entêté. Si vous faites un prélèvement par le sachet adhésif, il est négatif. Il est mis à 100%. Même la contamination n'y est pas tant que ça. Il n'y a pas de germe. C'est ça, tout ça, son intérêt. Mais son intérêt pour dire qu'il y a une infection urinaire, un gros problème. Un gros problème. La poche adhésive, mauvaise sensibilité, contamination de plus de 50%. Toutes les sociétés savantes, pédiatriques, dans le monde, sont essayées en train de régler ce problème. Comment, chez un enfant de moins de 2 ans, qui n'a pas encore une miction sur commande, comment est-ce qu'on va se débarrasser de ce sachet? Je ne sais pas si vous saisissez l'intérêt. Si vous dites qu'un enfant a une infection alors que c'est une contamination, il a un germe et vous dites, c'est ce qu'on appelle le faux positif, eh bien vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez alerter les parents, votre enfant il a une infection, on doit l'hospitaliser quelques jours, une dizaine de jours, les antibiotiques, il faut le piquer, il y a les infections nosocomiales, et ça ne va pas s'arrêter à ça, il y a des examens complémentaires, il faut qu'on cherche pourquoi il a fait une infection, il faut faire une échographie des examens, beaucoup d'argent pour rien, du stress, rien. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'il faut retenir? On n'a pas encore résolu le problème, jusqu'à l'heure actuelle. On ne sait pas comment en faire. Comment réaliser un bon ECBU? Je vous ai montré. Je veux vous montrer juste ça. Regardez. Quand vous savez que les contaminations sont fréquentes par la poche adhésive et que vous avez réalisé un bon prélèvement, il est bien fait. Plus ou moins, bien fait. Il est bien fait. Ça ne n'élimine pas les contaminations. Pourquoi? Parce que vous allez transporter ce prélèvement, et on sait que si on retarde d'une heure, on augmente les contaminations de 18%. Ça a été démontré. Si vous le faites bien, vous transportez bien, rapidement, il y a encore des problèmes au niveau du laboratoire. Le laboratoire, parfois, il ne faut pas attention, la paillasse et tout ça, et on a des germes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que du moment où l'enfant a fait un prélèvement par la poche adhésive, hop, il faut que je m'arrête et je me dis, est-ce que ça a été bien fait? Qui a fait le prélèvement? Et on a des anecdotes à vous raconter sur ça. Des enfants qui sont hospitalisés, quand on demande à ma maman, madame, oui, bon, la visite, quand on fait la visite, je vous rappelle d'une maman, infection, fièvre, ça ne veut pas dire infection urinaire, hein. Il vous dit, oui, vous avez bien fait, qui vous a fait le prélèvement? Au laboratoire, très bien. Et pour poser les questions, parce que suffisamment les étudiants ne posent pas les questions. Et il a uriné à partir de quel... Très bien, après une heure de temps, on a fait... Vous voyez, parfois, le prélèvement, la poche est gardée pendant plus d'une demi-heure, et vous n'allez pas tenir compte de ça. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous avez le sachet adhésif, il faut faire très très attention pour dire que c'est une infection. Oui, parfois il y a une urgence, effectivement, mais il faut faire très attention. Je vous donne des exemples, regardez. Regardez, je fais un examen cytobactériologique. Je vous ai dit bactériologie significative. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8, 100, 5, oui. Hein? Il y a une bactériologie significative. Il n'y a pas de leucocyturie. Il faut savoir que quand il n'y a pas de leucocyturie, ça n'élimine pas une infection. Mais quand vous l'avez, c'est mieux. Quand vous êtes au début de l'infection, il n'y a pas encore les polynucléaires. Donc c'est possible. Mais du moment où vous n'avez pas de leucocyturie, vous allez dire attention, pourquoi dans cette CBU, je n'ai pas de leucocyturie pathologique. Je vous rappelle, la leucocyturie, c'est supérieur à 1000 leucocytes par millilitre, ou bien supérieur à 10 leucocytes par millimètre cube. Donc connaître les unités. Ne dites pas 20, c'est normal, ça dépend, millimètre cube. Par millilitre, c'est 1000. D'accord. Très bien. J'ai une bactériologie, je n'ai pas une leucocyturie. Et après, le CV, il me dit, voilà, il me dit, on a isolé un germe, c'est un staphylocoque. Vous devez connaître les germes de l'infection urinaire. Le staphylocoque, c'est surtout des contaminations cutanées qui va donc contaminer la poche. Ou bien on vous dit, on a trouvé deux germes. Il faut que ça soit un seul germe. Sauf si l'enfant est immunodépriné. C'est rare, c'est possible. D'accord, regardez cette CB jetée. Ne tenez pas compte. Regardez le CB pathologique. Il y a 1000 leucocytes, il y a une bactériurie. On vous dit pas c'est gramme négatif. C'est probablement une infection. Mais vous devez l'interpréter en fonction de la clinique. Ne dites pas, ne l'interprétez pas ou traitez un ECBU. Non, ECBU positif. D'accord, il y a une bactériurie. Il y a une leucocyturie. Ils ont isolé un germe qui est. Connaître les germes. Les germes, les bacilles gram négatifs et les coccyx gram positifs. Les bacilles gram négatifs, le plus fréquent, et chez Escherichia coli. Les autres, toujours dans les bacilles gram négatifs, vous avez le Proteus mirabilis, vous pouvez avoir les Klebsiella, vous pouvez avoir les entérobactères, c'est à peu près ça, les bacilles gram négatifs. Mais si vous avez un staphylocoque, un pseudomonas ou autre, vous dites que c'est un germe qui n'est pas habituel, inhabituel. Je fais très attention, c'est peut-être pas une infection. Vous allez discuter avec le bactério. Vous dites un enfant qui est immunocompétent, pourquoi est-ce que, et ainsi de suite. Donc, là, on va voir. Regardez, là, il y a un problème tragique. Vous avez fait, vous avez une leucocyturie, et vous avez une bactériurie. 1, 2, 3, 4. 10 puissance 4. Je vous ai dit, moins de 10 puissance 3, pas d'infection. 10 puissance 7, infection. 10 puissance 4. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, il a une infection. Vous allez refaire. Pourquoi est-ce que vous allez refaire? Comment vous allez savoir que c'est une contamination? C'est peut-être le début d'une infection. Tu as donné une réponse à moitié juste. Je ne traite pas. Je refais. Je dis au laboratoire, attention, ben vous changez un laboratoire. Voilà, voilà. Vous allez avoir deux réponses. Ou bien vous allez en vous dire, le CV que vous avez refait, il est tout à fait normal. Tout ce que vous avez vu avant, c'était une contamination. Mais si on vous dit, et c'est positif, c'était le début d'une infection. Tout cela avec le contexte clinique, attention. Vous voyez pourquoi vous allez refaire le CV. Je vais aller vite, je vous donnerai des exercices. Qu'est-ce qui est les avancées en pédiatrie, en infection urinaire? Il y a des choses nouvelles. Je vais vous essayer de vous parler de ça. Mais il y a essentiellement deux choses qui ont changé. Le traitement et l'exploration. Le traitement et l'exploration. Je vais probablement commencer par comment traiter. Bon, comment traiter? Je vois à l'envers, hein, il faut que je me retourne. Alors, le traitement. Je vais essayer de vous donner ce qui est nouveau. Un, principe. Attention, on vous dit, il a une infection, on est le week-end, on n'a pas fait le CV, tatati, toute cette histoire. Quand on veut traiter une infection urinaire, il faut faire un examen cytobactériologique des urines. C'est lui-là qui va vous confirmer l'infection. C'est celui qui va vous isoler le germe et vous allez voir l'antibiogramme. D'accord. Parce certaines situations pratiques font qu'effectivement, on est un peu gêné. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au traitement, hein? Peut-être qu'il y a une petite urgence. On fait le prélèvement et on démarre le traitement. Quand on a le CV, on voit si on a bien fait, comment on va le savoir. Si on a bien fait, le diagnostic sera positif. Si on a bien fait, l'antibiotique qu'on a utilisé est probabiliste, il va avec l'antibiogramme, il n'y a pas de résistance. Ou bien s'il y a des anomalies, vous allez corriger. Vous allez dire, voilà, j'ai donné l'antibiotique, mais en réalité, il est résistant. Vous allez changer. C'est une façon de faire. Donc, ça. Voilà, donc toujours le contexte clinique, résultat des CB dans le contexte, savoir quel argument choisir. Alors, je vais aller plus vite parce que c'est pas... Alors, là c'est nouveau. Le traitement de la cystite. Le traitement de la cystite, vous n'allez pas hospitaliser un enfant qui a une cystite. Comment vous allez savoir qu'il a une cystite? C'est surtout des filles. Ça peut concerner le garçon, mais surtout des filles. Les filles... Et les parents vont vous dire depuis quelques jours, ma fille, quand elle a des brûlures mictionnelles, elle n'arrive pas à aller aux toilettes, elle se retient, elle pleure. C'est dramatique pour la maman, vous savez. Pour nous, c'est rien du tout. Mais quand vous commencez à voir les mamans, effectivement, c'est... Il n'y a pas de... Parce que le problème entre la pyélonéphrite, je ne l'ai pas dit peut-être, et la cystite, c'est que le risque dans la pyélonéphrite, c'est les cicatrices rénales. Si vous ne pouvez pas bien traiter tout ça, on va le voir. Dans la cystite, il n'y a pas ce risque. Mais c'est très gênant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prescrire un CBU, vous allez lancer un traitement. Alors, le traitement, vous avez deux situations. Ou bien vous avez l'antibiogramme, vous avez fait le CBU, vous avez pu attendre et tout. D'accord. Et les parents viennent et vous disent, voilà, elle a une cystite, d'accord, on a fait le CB, voilà le CB. Et vous regardez le CB, c'est une infection. Il est sensible à ces médicaments. Généralement, on donne le sulfamethoxazole triméthoprim, le Bactrim. On peut donner l'amoxicilline clavulanique. On peut donner, mais il faut peut-être éviter de donner une céphalosporine troisième génération. Et dans certaines sociétés françaises et tout, elles peuvent donner. C'est le Cipixil, c'est pas le sport de troisième génération. Donc on va choisir. Mais on a une panoplie de choix. Quand vous avez l'antibiogramme, une règle d'or, c'est de traiter selon l'antibiogramme. Quand vous êtes dans la deuxième situation, vous n'avez pas encore le CBU, c'est probablement une cystite. Vous pouvez donner un des médicaments et vous dites aux parents, ne le prenez qu'après avoir fait le CBU. Ils vont au laboratoire, ils font le prélèvement et ils commencent le traitement. Et après, vous allez regarder est-ce que vous avez bien fait ou bien... Qu'est-ce qui est nouveau dans la cystite? Il y a quelque temps, on donnait pendant 10 jours. Le traitement actuellement, c'est 5 jours. Première chose nouvelle. Dans la cystite, qu'est-ce qui est nouveau? Quand on a une infection urinaire, on aime bien faire les ECB. Mais quand vous faites beaucoup d'ECB, vous allez tomber dans des contaminations. Dans la cystite, vous avez fait un premier ECBU. Lorsqu'il est positif, vous avez traité. Les ECBU en fin de traitement pour dire que l'enfant est guéri. Ce n'est pas la peine dans la cystite si l'évolution clinique est bonne. Il n'est pas indispensable. Il n'est pas nécessaire de le faire. Sauf si la fièvre persiste ou les signes persistent. Quand vous traitez une cystite, vous allez demander à la maman si vous avez ses coordonnées. Je parle toujours de la maman, le père est toujours absent. La maman, oui, c'est la maman qui s'inquiète. Heureusement que vous inquiétez. Parce que bon, je ne sais pas, c'est un instinct comme ça, je ne sais pas. Mais c'est les mamans qui sont très près de tout cas, ce que j'ai appris. Les hommes un peu. Donc finalement, vous allez appeler et si vous êtes efficace avec un traitement probabiliste, 12 heures après le traitement, vous avez une disparition, un début, une amélioration, une disparition des cils. Et elle vous dit, oui, elle va aux toilettes, elle a pu uriner, il n'y a pas... Retenez, dans la cystite, il n'y a pas de fièvre. Hein, il y a un fébricule, mais il n'y a pas de fièvre. C'est bon pour la cystite. Je vais aller plus vite. Attention à la pyélonéphrite. Attention, il faut bien traiter une pyélonéphrite. Pour quelle raison? Je vous ai ramené les 5 hydrargies dans la pyélonéphrite. C'est des examens qu'on a fait dans le cadre de projets de recherche. La scintigraphie, c'est très très bien, mais il ne faut pas la faire à l'écouteuse et tout là. C'est pour vous démontrer uniquement les choses. Regardez, un enfant qui rentre pour une pyélonéphrite, tout ce que vous voyez en noir, c'est normal. C'est les deux reins. Mais on peut voir également au niveau polaire supérieur, les deux d'ailleurs, il y a des zones d'hypocarcation. C'est les enfants qui vont rentrer pour une pyélonéphrite. Parce qu'il y a une réaction inflammatoire aiguë. Quand on les traite bien, on précise restitution ad intégrant. Tout revient à la normale. Mais parfois, ça peut ne pas revenir à la normale. Pourquoi ça ne revient pas à la normale? Parce qu'on n'a pas fait le diagnostic vite, parce qu'on n'a pas bien traité, parce qu'on n'a pas bien fait les choses. Regardez ce qui peut se passer. Voilà les hypocarcations, notre malade. Je vous ai montré. Voilà les hypocarcations. Ça, c'est l'hypocarcale. Lésions aiguës. Et si vous n'avez pas bien traité, il risque d'y avoir des cicatrices, une inflammation, de la sclérose. Et vous allez avoir le risque de l'hypertension, de la cystose rénale. Quand vous avez fait maintenant, j'étais dans l'amphi, vous avez fait ce qu'on appelle la pré-éclampsie, l'éclampsie. Hein? D'accord. Oui, un enfant, une fille jeune, 5 ans, 6 ans, 4 ans et tout, quand elle devient adulte, si elle avait fait des pyélonéphrites, qui vont détruire une réduction néphronique, c'est-à-dire qu'ils vont détruire un peu le rein parce qu'on n'a pas été bien et tout ça dans les traitements, tout, le retard du traitement. Quand elle, pendant sa grossesse, il y a un risque qu'elle fasse une pré-éclampsie. D'accord, donc il faut bien traiter la pyélonéphrite, il faut faire attention. D'ailleurs, regardez, c'est l'exemple artificiel, donc je l'ai dit, les lois connues, regardez. Et même si ça fait la en fonction de la répétition des pyélonéphrites. Si vous avez un enfant qui a des 5 ou 6 fois, il fera plus de cicatrices. Mais ce qui est intéressant, regardez ici. Regardez ici. Voilà deux populations d'enfants. Celle qui a été bien traitée, bien diagnostiquée, même si elle avait une pyélonéphrite. Quand on a évalué les cicatrices, ce risque, il y a 5%. Mais ce qui, pour lequel il y a un retard, du traitement, on n'a pas très bien fait tout ça, le risque est évalué par 3. Vous avez 15 à 20% de cicatrices rénales. Faites attention à la pyélonéphrite. Bon, là, je vais aller vite, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas pour vous, parce que c'est pas pour... Juste un mot. Quand vous allez choisir un antibiotique contre une pyélonéphrite, vous allez dire, quel antibiotique je vais donner? On ne peut pas, faites très attention, on ne peut pas donner n'importe quel antibiotique. En salle, il n'y a pas les laboratoires et tout. Peut-être qu'il y a... Bon, on peut dire les choses comme il faut. Non, le problème, c'est que vous allez tout le temps agresser, entre guillemets, une agression. Bon, c'est ça. Là. Vous avez compris ce que je veux dire? Très bien. Donc, vous devez, c'est vous qui décidez, vous devez savoir comment faire. Dans l'infection urinaire, on ne peut pas donner n'importe quel antibiotique. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner l'antibiotique le plus cher. Non. Deux choses. Vous toujours réfléchir sur deux choses. La première chose, c'est les bases pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. C'est ce qu'on appelle les fameux paramètres PK-PD. Si vous avez un antibiotique qui diffuse au niveau rénal bien, c'est celui-là qu'il faut donner. Si vous avez un très très bon antibiotique, mais qui diffuse au niveau ORL et qui diffuse peu au niveau rénal, ce n'est pas le bon antibiotique. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc on ne peut pas donner n'importe quel antibiotique. Exemple, si vous donnez l'amoxicilline, c'est un très très bon antibiotique qu'on utilise dans la sphère ORL. Si vous le donnez dans la voie pour traiter une infection urinaire, vous avez mal fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports, il y a des choses. On appelle le consurinhibiteur pour chaque antibiotique. Il y a des antibiotiques qui ont un consurinhibiteur qui est intéressant, il faut qu'il soit supérieur à 8. L'amoxicilline, c'est 2. L'amoxicilline, regardez, c'est 2. l'amoxicillin, c'est deux. Si on veut donner par voie orale, regardez les antibiotiques. Le cotrimoxazole, c'est un sulfamide. Son quotient inhibiteur, il est supérieur à 8, il est à 60. Également, il s'est laissé par le score d'une troisième génération, une particule de cétexine, également, il a fénilé. Mais ce quotient inhibiteur, il sera très augmenté si vous donnez trois fois par entérale. Personne ne vous dira que la voie orale, vous traitez une pyélonéphrite, hein. C'est mieux qu'une... C'est la même chose. Oui, c'est peut-être la même chose dans certaines études, mais sur le plan pharmacologique, pharmacosynétique, c'est la voie parentérale, c'est mieux, regardez, 350. Ce qu'il faut retenir pour vous, je ne peux pas donner n'importe quel antibiotique, réfléchissez. Le deuxième critère pour choisir une antibiothérapie, vous avez bien compris, c'est le niveau de résistance. Le niveau de résistance des Escherichia coli aux germes. D'accord, je vous ai montré là. C'est, il faut des données algériennes. Les données algériennes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'au niveau de résistance des Escherichia coli aux aminoglycémies, regardez, sur la souche ambulatoire, c'est très élevé, 70%. Les aminopénicillines, ce n'est pas de bons antibiotiques à donner. Jusque, bon, après, vous avez l'amoxicillin-cisplatin-vinamide, c'est 19 à 40%. Sulfamethoxazole, également, il y a un problème de résistance qui commence à s'élever. Les aminosides, regardez les aminosides. Un antibiotique que vous n'utilisez pas souvent, vous allez avoir moins de résistance. Les aminosides, c'est de très bons antibiotiques, mais il faut les utiliser au milieu hospitalier. Et il ne faut pas les utiliser comme ça, il faut les utiliser à bon escient. À bon escient, vous allez avoir des résistances qui ne sont pas très élevées, regardez, 3-5%. Vous êtes sûr que vous allez gagner cet enfant. D'accord. Et puis, vous avez les céphalosporines, il ne faut pas en abuser. Les céphalosporines sont effectivement des antibiotiques bien. Leur taux de résistance en Algérie, je vous donne une information, et faites attention, c'est le début de votre carrière. Vous devez faire attention à tout ça. Ce n'est pas en regardant un protocole que vous allez dire « Ah, c'est comme ça qu'on traite l'otite. Il faut donner ça et ça. » Parce que je l'ai lu, aux États-Unis, ils font ça. Ou bien le protocole français, même les Français, parce que c'est clair. Mais attention, si on veut donner un bon protocole, il faut l'adapter en fonction de notre contexte bactériologique. D'accord ? Il faut connaître, il faut des données. Les données pharmacologiques, c'est pour tout le monde, mais les données bactériologiques, c'est par rapport à chaque pays. Chaque pays, il a un profil particulier. C'est celui-là qu'il faut essayer d'avoir. Si vous avez des données algériennes et vous connaissez le niveau de résistance, vous pouvez adapter selon notre contexte et non pas prendre un protocole. Vous pouvez, quand vous n'avez pas les données, vous pouvez prendre un protocole, effectivement, mais il faut l'adapter. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges des protocoles des autres pays. D'accord ? Tout ce que vous allez faire après, également, il faut faire attention. Bon. Pour résumer, comme on a traité la cystite 5 jours par voie orale, la pyélonéphrite, le traitement, c'est hospitalisé, c'est antibiothérapie, il faut donner une céphalosporine troisième génération, que vous allez associer un aminoside ou pas, pendant 3 à 4 jours par voie parentérale, et après, vous allez passer à la voie orale, et ça vous fait un traitement de 10 jours. Je vais répéter parce que je vois des... Non, pas quoi. Le traitement de la pyélonéphrite, il y a quelques temps, c'était 10 jours et 15 jours par voie parentérale. Je vous ai dit, il y a une avancée dans le traitement, et l'avancée dans le traitement, c'est la simplification du traitement. On a raccourci, on a démontré, et pas raccourcir comme ça, on a démontré qu'en traitant 3 à 4 jours, c'était suffisant. Par voie parentérale. Lorsqu'il n'y a plus de fièvre, lorsque le CBU, en milieu du traitement, il est stérile, on passe à la voie orale et ça vous fait un traitement de 10 jours. Vous avez compris? Voilà tout. Oui? Je vous ai dit, c'est céphotaxime ou ceftriaxone. C'est les céphalosporines de troisième génération par voie parentérale. Vous savez ce que c'est que céphotaxine, claforon, ceftriaxone, rocéphine. Voilà. Parce que c'est grave, parce que vous avez hospitalisé, parce qu'il y a un risque de cicatrice rénale. Mais il ne faut pas prolonger le traitement. C'est 3-4 jours, c'est bon. Si vous avez eu la pyrexie, si vous avez le CB qui est négatif, vous passez à la voie orale. Mais la voie orale, vous passez, vous avez l'antibiogramme, vous regardez et vous rajoutez 6 jours. Ça vous fait un traitement de 10 jours. Est-ce que vous avez compris? Sinon, je reprends. Le dernier point, c'est effectivement... Alors, une petite anecdote, et vous allez voir pourquoi l'exploration elle est importante. On a eu un enfant de 12 ans, et on l'a eu à l'âge de 3 ans. On l'a eu à l'âge de 3 ans. C'est un enfant qui faisait des infections répétées. Ces infections répétées ont été diagnostiquées et ont été traitées. Alors, rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de tout raconter, je vais vous commencer son histoire, mais par la fin. Enfin, je ne sais pas s'il est encore vivant. La fin, c'est que cet enfant, il a actuellement 12 ans, s'il est encore vivant. Il est greffé. Il a une greffe. La maman lui donne le rein. Le greffon, il y a un rejet de greffon. Ça n'a pas marché. Les immunosuppresseurs, pour maintenir, vous savez, il y a toute procédure. Avant d'aller vers la greffe, il fallait le dialyser. Pour le dialyser, il faut une fistule. Et les fistules chez l'enfant, ce n'est pas comme chez l'adulte. Très difficile de faire les fistules. Il a eu sa fistule, il a été dialysé. Dialysé avec les adultes. Il n'y a pas encore de structure pour l'enfant. Il faut le savoir. Et avec les adultes, c'est une catastrophe. Les machines ne sont pas appropriées. L'état psychologique de l'enfant, c'est la dépression. Sans oublier que les parents vous doivent arriver 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Les bilans, etc. Si je reviens en arrière, c'est un enfant qui a eu une insuffisance rénale. Il est arrivé à l'insuffisance rénale terminale. Sinon, pourquoi il a été greffé? Insuffisance rénale terminale, mais avant, c'est un enfant qui avait des infections répétées. Il en a fait 8. Ces infections urinaires ont été diagnostiquées et ont été traitées. Mais qu'est-ce qui manquait? La question pertinente qui n'a pas été posée, c'est l'exploration. Pourquoi cet enfant fait beaucoup d'infections? Pourquoi ces infections se répètent? Et je vous donne la fin qui est douloureuse pour cet enfant. C'est quoi? C'est que si on avait posé la question chez cet enfant, on aurait trouvé la malformation. Et quel type de malformation il avait? Il avait ce qu'on appelle les valves de l'urètre postérieure. Les valves de l'urètre postérieure, au niveau, rappelez-vous, de l'urètre antérieur, montanal, postérieur. En postérieur, il y a des valves. C'est un tissu embryonnaire, c'est des vestiges embryonnaires qui doivent disparaître. Chez certains enfants, ça ne disparaît pas. Eh bien, quand vous avez l'écoulement des urines, l'enfant aura une miction qui est difficile. C'est pour ça que vous devez chercher les signes cliniques. Miction goutte à goutte, difficulté mictionnelle. Et quand on fait des examens, en principe, en amont, il y a une dilatation. Et si on avait fait le diagnostic lors du premier, la première infection, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait le diagnostic de cette malformation et on aurait fait une résection endoscopique. On enlève les valves, on n'arriverait pas à la greffe. C'est absurde d'arriver, de faire tout ce parcours. Parce qu'on a la question qui n'a pas été posée. Pourquoi cet enfant fait une infection urinaire? Il faut toujours la poser. Alors maintenant, le résultat, c'est quoi? Vous pouvez trouver une malformation et vous pouvez ne pas trouver de malformation. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver systématiquement. Rappelez-vous, on fait une infection parce qu'on a une obstruction, on fait une infection parce qu'on a un trouble fonctionnel, on en a parlé, et on peut faire une infection sans qu'il y ait ni obstruction, ni trouble fonctionnel, et ça peut être juste un problème de virulence déjà. Donc si vous avez bien fait, et vous avez fait votre stratégie, vous avez posé la question, pourquoi cet enfant fait une infection urinaire et vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Vous avez fait la recherche étiologique et vous n'avez pas trouvé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir qu'il y a quelque temps, on faisait n'importe quoi. Tous les examens, on faisait l'échographie. Ensuite, on fait l'urographie intraveineuse. Ensuite, on fait des scintigraphies, ça veut dire qu'on n'a aucune stratégie. D'accord? Ce qu'il faut retenir avant de vous donner une stratégie, l'urographie intraveineuse, on ne la fait plus. pour chercher quelque chose. Peut-être qu'elle est encore demandée par les chirurgiens, parce qu'ils veulent avoir une idée morphologique, mais à la recherche chez l'enfant de malformation, l'urographie intraveineuse, qui est coûteuse, irradiante, très difficile à interpréter, parce qu'il y a des gaz, plusieurs clichés, inutiles. Qu'est-ce qui vous reste? Si vous avez fait une bonne échographie, un radiologue qui vous fait une bonne échographie, vous avez 90% des problèmes, vous avez réglé. Alors, je vous invite également à faire réfléchir toujours. Quand vous avez une échographie, ne lisez pas le compte-rendu, la fin. Ah, vous dites, voilà le radiologue, la conclusion. Non. Vous devez vous répondre à la question. Est-ce que cet enfant, il a deux reins? Oui, les deux reins sont en place. D'accord, sont en place. Parfois, ils ne sont pas en place. Rappelez-vous de la migration. Est-ce que la taille des reins, je ne sais pas quand l'adulte, il peut avoir, parce qu'il a deux mois, il a une taille de 50. 50, 50, c'est normal. Il y a des courbes. Vous pouvez vous poser la question. Et s'il a 7 ou 8 ans ou 9 ans et on vous dit son rein il est à 60 ou 60, c'est à vous de voir est-ce que la taille correspond à l'âge. Le rein va prendre deux. Donc, ça ne suffit pas. Vous allez après voir l'écostructure. Si la différenciation du parenchyme rénal elle s'est faite normalement, l'écostructure sera normale. Si on vous dit les reins sont hyper, il y a une hyper échogénicité, point d'interrogation. Après, vous avez les contours du rein. Les contours du rein, on vous dit les contours du rein, ils sont là, il n'y a pas, ils sont respectés. Après, vous avez d'autres paramètres, hein, l'index cortico-papillaire et ainsi de suite. Ça, il faut le connaître après, c'est pas grave. Ensuite, on vous dit les voies excrétrices. Vous avez les voies excrétrices, c'est le piélon et le bacillet, l'ureter, ils ne sont pas dilatés. Ou bien on vous dit qu'ils sont dilatés. Ce n'est qu'une fois que vous avez vu le rein, son écostructure, sa taille, ses contours, son emplacement, parfois vous avez des ectopies, et les voies excrétrices, il n'y a pas de dilatation, vous êtes sûr que votre échographie elle est normale, et vous lisez après la conclusion. L'échographie faite ce jour chez cet enfant, elle est strictement normale. D'accord, apprenez à voir tout ça. Je vous épargne de tout ça parce que ça a été... Il faut faire très... Regardez. Je vous donne un exemple. N'oubliez pas quand vous faites des examens complémentaires, le coût. Le coût, c'est cher. Regardez, si vous faites une écho, une cellule, une ligne, c'est très gratuit, ça peut coûter 1 100 $. C'est très coûteux. Donc, ce qu'il faut retenir pour vous, je pense, ça, c'est pas la peine parce qu'il y a des remises en question et tout ça. Juste, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une CUM, une cystourethérographie mixtionnelle? Dans les anciens écrits, vous allez trouver UCR, urethérocystographie rétrograde. On ne parle pas de ça. Maintenant, on dit CUM, cystourethérographie. Pourquoi on dit on a changé? Parce que quand on dit CUM, mixtionnelle, quand on fait cet examen, il y a un examen où on demande à l'enfant d'uriner et on refait un autre cliché. Alors, le principe, c'est quoi? C'est, on sonde l'enfant, on lui injecte un produit de contraste et on prend des radios. Et ça doit dessiner que la vessie. Si ça dessine les uretères, ça veut dire que vous avez un reflux. C'est ça, la cystographie. Et cette cystographie, la CUM, elle est invasive. Elle est douloureuse. Elle peut vous donner des infections. Elle n'est pas acceptée par l'enfant, c'est normal. Ni par les parents. Elle est invasive. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis quelque temps, on la faisait systématiquement pour tout enfant qui faisait une infection urinaire avec la fièvre. Piélonéphrite, on lui fait une écho, une CUM. Piélonéphrite, quand on traite et tout, après on veut savoir est-ce qu'il y a une malformation, est-ce qu'il y a un reflux, on la faisait systématiquement. Et on avait déjà compris dans la pratique que c'était démesuré. C'était faire des examens inutiles. Pourquoi? Parce que souvent, cette CUM, quand on a les résultats, c'est CUM normal. Et le deuxième élément qui a fait que actuellement ça a changé, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont dit dans le reflux visico-urétéral, chez l'enfant, c'est quelque chose de transitoire. Rappelez-vous de la maturation, de la jonction qui va se faire progressivement. Et ce reflux peut disparaître dans la plupart du temps. Vous savez qu'il y a 5 reflux. 1, 2, 3, 4 et 5. et le plus fréquent, c'est les 1, 2 et le 3. Ces reflux sont transitoires. Actuellement, avant, on mettait les antibiotiques, on appelle l'antibioprophylaxie. Actuellement, on a démontré que l'antibioprophylaxie, elle était inutile. Si elle était inutile, pourquoi est-ce qu'on va chercher ce reflux systématiquement? Dans la conclusion, ce qu'il faut savoir, on ne fait plus de couple éco-CUM. Voilà ce que je vous propose. Regardez, l'infection urinaire, c'est très simple. Vous avez traité l'infection, vous avez fait le diagnostic, vous avez fait une bonne échographie. Il n'y a aucune anomalie. Faites attention, c'est là où on a des examens abusifs. On dit, il a fait une infection, mais l'échographie est anormale. Allez, je vais faire d'autres examens. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter de faire des explorations. On peut surveiller l'enfant encore une année, à des consultations répétées, mais pas d'examen complémentaire. Alors, regardez ici. Si j'ai fait l'échographie et on me dit qu'il y a une hydronéphrose, ah, ça change des choses. Il a fait une infection, mais cet enfant, il a probablement quelque chose. Il a une malformation. Il va falloir que je définisse cette malformation. Et là, regardez. Automatiquement, j'ai demandé la CIV. Je suis obligé de savoir ce que c'est que cette malformation. Pourquoi je vous ai fait ça au milieu? Au milieu, c'est que quand vous avez une infection, on ne peut même pas boire, donc non. Vous pouvez faire semblant. Non. Alors, l'échographie, alors là, vous faites très attention, vous avez une pyélonéphrite. Vous l'avez hospitalisée. Si vous faites l'échographie en urgence, pas dans le sens de malformation, vous voulez faire la pyélonéphrite, je n'ai pas parlé d'échographie. Hein. L'échographie, ce n'est pas un examen qui va vous montrer quelque chose, beaucoup de choses. La sensibilité n'est pas bonne quand vous cherchez la pyélonéphrite. Quand vous cherchez la malformation, il a un rôle important. Si vous faites cette échographie très vite, quand vous avez une infection au niveau du rein, vous avez un œdème, vous avez une petite réaction au niveau rénal qui est transitoire. Faites très attention, ne dites pas que c'est une malformation. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez ces anomalies, il faut les connaître. Vous allez traiter l'enfant après la fin du traitement. Vous allez refaire l'échographie, vous allez trouver que l'échographie est tout à fait normale. Donc vous allez être en solution. Donc, échographie. Si vous êtes devant un enfant qui n'est pas à son premier épisode, qui est devant ce qu'on appelle les infections récidivantes. Qu'est-ce que c'est qu'une infection récidivante? Il faut connaître les définitions. Soit c'est, vous ne voyez pas, c'est deux pyélonéphrites. La maman vous dit, il a déjà fait une pyélonéphrite, documentée, il a été hospitalisé. Et là, vous êtes en face de la deuxième pyélonéphrite. Vous le prenez en charge, et là, vous allez dire, attention, ce n'est pas la première infection, c'est une infection récidivante. Ou bien il fait une pyélonéphrite plus une cystite. C'est également une récidive. Ou bien lorsqu'il fait trois cystites, j'ai pas mis deux cystites, trois cystites, c'est une infection récidive. Et là, vous allez faire une échographie plus une CIDR. Alors, si on se résume, premier épisode, pyélonéphrite ou même cystite égale écho, faites compte des équations, écho seulement. Infection qui se répète, il faut savoir ce que c'est que. Infection répétée égale écho plus CIR. D'accord, le message est passé. La même chose. Il n'y a plus le garçon. Vous avez cours à quelle heure? À une heure? Écart. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est à vous de voir. J'ai trois exercices, on peut les faire vite, on peut ne pas les faire, c'est à vous de voir. En effet. Alors, je vais conclure. Alors, ce qu'il faut retenir, j'ai quelques traitements pour les pathologies fréquentes, l'infection urinaire. Faites attention. Même si vous n'allez pas faire pédiatrie, un jour vous allez être généraliste. Les généralistes, 70% des enfants sont vus par le généraliste. Vous allez tomber un jour sur. Vous devez bien réfléchir. Deux, diagnostic chez le nourrisson, il est difficile. Alors, chez le nourrisson, retenez le tableau le plus. Probable, il y a une forte probabilité d'infection, c'est un nourrisson qui a de la fièvre isolée depuis 2 jours, depuis 48 heures, sans foyer évident. Dès qu'on vous ramène un enfant qui n'a pas de foyer évident, surtout un nourrisson, n'attendez pas que le nourrisson vous dise voilà, il a des troubles, des signes d'appel urinaire. vous n'aurez pas les signes d'appel nominal. Vous allez avoir une fièvre isolée depuis 48 heures. Ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est pulmonaire? Est-ce que c'est rénal? Vous devez faire la bandette urinaire. Elle va vous aider énormément. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué en pratique? Ceux qui ne font pas la bandette urinaire, vous savez ce qu'ils font? J'espère que ce ne sera pas vos enfants à confier à... Eh bien, il va passer par une PM, il va passer par une radiographie. Après, on se dit, peut-être c'est une infection, mais moi, je n'ai pas la bandette urinaire. Je n'ai pas... La bandette urinaire ne coûte pas cher. D'accord, hein? Il faut savoir que c'est ça l'argument faible que les gens avancent pour dire, ah, on est dans les structures d'urgence. Vous êtes dans les structures d'urgence et vous devez avoir la bandelette urinaire. Elle va vous rendre service énormément. Elle n'est pas chère. Il faut la demander. C'est du militantisme. Il faut le demander. Ne restez pas comme ça. Ça peut vous aider énormément. Quand on parle d'infection urinaire égale bandelette urinaire. Malheureusement, on a fait une enquête qui va montrer que la bandelette urinaire n'est pas suffisamment utilisée. L'apparition des nutrites tout à l'heure, elle est précoce. Précoce. Dès que vous avez une infection, vous avez des germes. Après, vous avez une germe qui se multiplie. Ils vont prendre les nitrates, elle est précoce, bien sûr qu'elle est. Scintigraphie, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir de la DMSA? La scintigraphie au DMSA, c'est une scintigraphie elle n'a aucune place dans le problème de santé publique. Attention, vous n'aurez pas besoin de scintigraphie. La scintigraphie, c'est quand vous allez découvrir une malformation et vous voulez étudier la fonction séparée des deux reins. Vous voulez voir s'il y a des cicatrices. C'est après. Oui, on peut faire la scintigraphie. C'est coûteux. Quand on parle d'infection urinaire, il faut parler d'infection urinaire au médecin qui est à Tamnasset, au médecin qui est à Janet, au médecin qui est à Blida, et ainsi de suite. C'est à tout le monde. Donc, il faut qu'on ait donc une attitude consensuelle. Ce n'est pas la peine d'utiliser les examens les plus onéreux. C'est la réflexion. Et c'est... D'accord. Donc, voilà. Se méfier des méthodes de prélèvement, je vous ai dit attention, le sachet adhésif, attention toujours le critiquer avant de le prendre. La bandelette urinaire, il faut l'utiliser, c'est bien. Le traitement de la cystite, ne donnez pas 10 jours, c'est pas la peine, c'est 16 jours. La pyélonéphrite aiguë, il faut l'orienter au milieu hospitalier parce qu'il y a risque de sepsis. Vous pouvez avoir un abcès, vous pouvez avoir une septicémie, un sepsis grave suite à une pyélonéphrite, d'autant plus que l'enfant est jeune. S'il a moins de 3 mois, c'est un facteur de risque. Certains 6 mois. Plus il est jeune, plus le sepsis est plus important. On peut aller de 30%, 16%. Juste qu'il dépasse 6 mois, il est de 1%. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement quelque chose de nouveau. Vous devez le savoir, même si je n'insiste pas. Mais ce n'est pas grave, vous devez le savoir. Que la pyélonéphrite aiguë, il y a des études actuellement qui ont démontré que si on traitait par voie orale, ça, on pouvait donner un résultat qui a été démontré. Mais attention. Il a été démontré, oui, mais est-ce qu'il est faisable dans notre contexte, chez un enfant qui va faire des vomissements, qui a de la diarrhée, que l'absorption du traitement n'est pas correctement prise, que l'adhérence au traitement n'est pas toujours, ça vous allez le découvrir avec vos malades, que l'adhérence n'est pas... Donc certains vous diront oui. Je dirais oui, effectivement, scientifiquement. Mais après, il y a la pratique. Pyélonéphrite, il vaut mieux donc hospitaliser pendant 2 à 4 jours, s'assurer que le traitement parentéral, qu'il a été pris, pas de fièvre, bon état général, ECB négatif, il sort. Et je lui complète le traitement par voie orale, d'accord, 6 jours, ça fait 10 jours. Vous voyez, on a allégé le traitement, mais il faut être prudent. Je vais vers les exercices. L'interne, où est-ce qu'il est? Le délégué, où est-ce qu'il est, le délégué? Ah, il est encore là. Ah, il est encore là. Eh voilà, mais... C'est plus dur. Eh oui, allez, on va commencer comme ça, on va pas on vous donnera du temps pour moi. Alors, regardez. Une petite fille, Huria, elle est âgée de 3 ans et demi. Elle est ramenée en consultation parce qu'elle se plaint depuis 2 jours de polacurie. Au rappel, quand vous examinez un enfant qui a une infection urinaire, s'il vous plaît, vous êtes passé en pédiatrie, pas encore. Ne parlez pas de brûlure mictionnaire, je ne les aime pas beaucoup, ne dites pas brûlure. Il faut parler des habitudes mictionnaires. Vous devez savoir ce que c'est qu'une polacurie, c'est la fréquence, augmentation de la fréquence des mictions. La dysurie, un enfant, vous demandez aux parents, ils vous disent oui, quand elle urine, elle pousse. La dysurie, elle peut vous dire miction goutte à goutte. Elle peut vous dire urge syndrome, un enfant qui n'arrive pas à aller aux toilettes, il y a une incontinence, il perd ses urines. D'accord ? C'est cela que vous devez chercher, ne dites pas, vous avez des brûlures mictionnaires. Quand on a de la fièvre, on peut avoir des brûlures mictionnaires. Faites attention, c'est les habitudes mictionnaires. Ça, c'est au passage. Aucun antécédent urinaire, quand on a demandé. Elle n'est pas fébrile, elle a un bon développement psychomoteur, mais quand même, il y a des signes. D'accord ? Alors, question. Vous pensez à une infection urinaire ? Alors, on va essayer de répondre très vite pour pouvoir faire passer trois exercices. Vous allez prescrire un antibiotique ou vous demandez d'abord un SBU ? Très bien. Même, vous savez que c'est une cystite probable. Hein. Très bien. Vous avez donc... oui, on sait pourquoi la prescription d'antibiotiques sans preuve d'infection, c'est pas bien parce que il faut une définition bactériologique et ainsi de suite. Ça, on en a parlé, c'est pas la peine. L'infection urinaire, il faut qu'il y ait une définition 10 puissance 5 plus la leucocyturie 10 puissance 4. Ça, on l'avait dit. Alors, le CBU, les cytobactériologiques des urines, retrouve un Escherichia coli avec leucocyturie. C'est un germe inhabituel dans l'infection urinaire. Je refais le CBU. C'est un germe, ça profite de la flore digestive. C'est le premier germe que vous trouvez dans l'infection urinaire. Il est encore appelé colibacille. Quelle réponse vous allez prendre ? Pas 3, mais il y a une autre réponse juste. La 4. C'est également un colibacille, d'accord. C'est, on l'a fait. C'est un piège, non, c'est juste... Comment ça ? C'est une bactérie de la Oui. Oui, oui. On peut l'appeler comme ça, également. Voilà les réponses. On en a parlé, l'infection urinaire, le germe le plus fréquent, pardon, c'est Escherichia coli. Qu'il y ait malformation ou pas, il y a des études faites dans ce sens et en démontré. C'est donc une infection urinaire. Est-ce qu'elle est basse ou haute ? Basse ? Basse ? Cystite dans les signes cliniques, fille de 3 ans. Dysurie, brûlure mictionnaire pour la curie, impériosité futur urinaire, douleur hypogastrique. Le diagnostic de la cystite, il est facile. Il y a des signes d'appel urinaire chez des enfants, surtout des filles, qui dépassent l'âge de 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Il n'y a pas de fièvre, ça c'est important. Hématurie, on peut la trouver dans 20% des cas. La fièvre, elle est modérée. Comment faire la différence entre une pyélonéphrite et une cystite ? Pourquoi ce n'est pas une pyélonéphrite ? Hein ? Oui, mais qui vous dit qu'elle n'a pas une association ou... L'imagerie, non. La fièvre. Est-ce que la fièvre suffit? Regardez, alors comment il faut réfléchir? Voilà comment vous allez réfléchir. Quand on faisait le cours des externes, il y a longtemps, je me rappelle, faire la part des choses entre infection urinaire basse et haute, il y avait sur le polycope... Ça me sort jusqu'à présent. Je suis choqué. C'est 2 ou 3 pages. 2 ou 3 pages. Parce qu'à l'époque, il y avait une vingtaine d'années, on essayait de dire, bon, s'il y a des douleurs lombaires, s'il y a des fièvres, s'il n'y a pas de fièvre, s'il y a d'autres signes. Ensuite, au niveau des urines, on veut faire, ensuite l'échographie. Tout ça est faux actuellement. Ce qui est juste, c'est très simple, c'est dès que vous avez de la fièvre supérieure à 38,5, il y a une suspicion d'infection et il y a une forte probabilité que ce soit une pyélonéphrite. Mais ce n'est pas suffisant pour la pyélonéphrite. Vous devez avoir des éléments inflammatoires, vous avez rajouté CRP positif. Et regardez, fièvre supérieure à 38, certains disent 38,5, une CRP qui est positive, c'est les critères d'invasion tissulaire. Probablement, il y a une atteinte haute. Donc, pour revenir à la pratique, dès que j'ai des signes de cystite, c'est vrai, le contexte clinique, il est très évocateur d'une cystite, et en plus, il n'y a pas de fièvre ou un fébricule. Vous allez prendre comme une cystite. D'accord? Bon, là, c'était, regardez les tableaux discriminants, précis, la fièvre, ici, généraux, la douleur, hématurie, les protéines, les CRP, l'échographie, augmentation, tout cela, il faut l'oublier. Retenez uniquement la fièvre et retenez uniquement si vous avez un diagnostic de pyélonéphrite, vous allez faire la CRP. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, vous êtes dans la pratique. Vous allez dire, voilà un enfant, il vient aux urgences, il a de la fièvre, j'ai fait une formule, j'ai fait une CRP, et entre vous, vous allez dire, je ne sais pas, vous êtes dans un travail à droite, et vous allez envoyer le malade à gauche, dans un service, et le médecin va dire, ah, il n'y a pas d'hyperleucocytose, donc ce n'est pas une pyélonéphrite. Ah, les examens sont négatifs. Non, on peut ne pas avoir une hyperleucocytose, ça n'élimine pas une pyélonéphrite. Du moment où vous avez de la fièvre, du moment où vous avez une CRP positive, vous devez prendre comme une pyélonéphrite. Cet enfant, donc, si je reviens à la petite, c'est Houlia. Alors, quel est le traitement que vous allez donner? Bon, il manque ça, il manque le R. Quelles sont les propositions justes? Même la 3. La 3, elle n'est pas fausse ou juste? Elle est bonne. Elle est bonne, c'est vrai. Donc, attention. Attention, quand vous avez une cystite, vous allez voir les protocoles, on en a parlé. Vous allez, par exemple, les Français, les AFSAPS 2007 et jusqu'à présent, ils vont donner des antibiotiques à utiliser dans la cystite. Retenez, primo movens, non nocere. Primo movens, non nocere. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être plus agressif que la maladie. Si on doit régler le problème avec un antibiotique qui n'est pas coûteux, qui a les bonnes propriétés pharmacocinétiques, dynamiques, qui passe au niveau urinaire, qui reste actif et qui va me régler le problème, pourquoi est-ce que je vais chercher le plus cher? D'accord. Si vous donnez Cefixime, ce n'est pas faux. Mais vous avez donné une céphalosporine troisième génération. Si vous le donnez encore et encore et encore, à un moment donné, vous allez avoir des résistances. Vous allez augmenter les résistances. Donc, vous pouvez régler les problèmes, vous avez des antibiotiques, mais vous ne pouvez pas donner n'importe quel antibiotique. Soit le cotrimoxazole et le Cefixime également se discutent également. D'accord? Certains vous diront, le Cefixime c'est mieux que le cotrimoxazole, c'est pas juste. Ça dépend, attention à cette question. Chacun va défendre un peu ses intérêts, c'est clair. Alors la réponse? La réponse, regardez, il y a par exemple la face. Ça fait dans l'agence française, c'est les sociétés savantes qui vont vous donner des conduites à tenir. Il est recommandé d'utiliser le cotrimoxazole en deux prises quotidiennes ou le Cefixime, effectivement, en deux prises quotidiennes. Et il y a une mise à jour actuellement 2015 qui propose trois antibiotiques dans la cystite. Cotrimoxazole, amoxicilline, glavulanine et Cefixime. C'est une proposition. C'est à vous de voir comment vous allez donner. D'accord. Il faut savoir qu'en médecine, c'est pas parce que vous avez pris une autre molécule que c'est faux. D'accord? Ne dites pas, on nous a appris qu'il faut donner ça. Voilà. Donc il y a des situations qui font l'allergie, ou bien le niveau de résistance qui va augmenter, il faut le réévaluer, et ainsi de suite. D'accord? La durée du traitement, allez-y, rapidement. 5 jours. Il y a ceux qui disent 3 à 5 jours. Non, on reste à 5 jours. D'accord? Donc c'est 3 à 5 jours. On est d'accord? Mais ne prenez pas 3 jours, parce que j'ai vu aucune étude qui a fait 3 jours. Par contre, 5 jours, j'ai vu, c'est bon, tout le monde le fait. Prenons 5 jours. Donc, non, c'est 5 jours. Elle ne figure pas. Prenez celle-là sans prendre 2-3 jours. Non, non, parce que 5 jours, c'est fixé. 3 jours, c'est... 5 jours. Il n'y a pas. Prenez 5 jours. Non. Dans la littérature, c'est défini 3 à 5 jours. Je vous dis, comprenez. Mais après, il faut aller dans les détails, voir toutes les études qui ont été faites pour les 3 jours. 5 jours, c'est mieux. Prenez 5 jours. 3 à 5 jours. Quels sont les examens complémentaires à faire ? ECD, U de contrôle, AJ3, formule CRP, échographie, cisto à la recherche d'une étiologie, échographie. Échographie. Alors, le CBU, l'examen cytobactériologique de contrôle à J3. Alors, c'est maintenant que c'est intéressant, je vous donne des choses pratiques. Avant, c'était de la théorie, maintenant, c'est la pratique. Et donc, il faut essayer d'écouter. Avant, quand on a une infection urinaire, retenez J1, J3 et J13. J1, c'est le CB qui fait le diagnostic. J3, c'est au milieu du traitement pour vérifier l'efficacité du traitement. J3, ça ne veut pas dire guérison, c'est stérilisation des urées. 2 jours après la fin du traitement, c'est la guérison de l'infection. Très bien. Ce modèle, il a été changé. On peut le garder dans la pyélonéphrite parce que c'est grave. Dans la cystite, ce n'est pas la peine de faire J1, J3 et fin du traitement. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est inutile, c'est coûteux et vous pouvez tomber dans les contaminations. Le meilleur argument, c'est la clinique. Je vous ai dit, le CB, dans l'infection urinaire, cystite, quelque chose de nouveau, les ECBU de contrôle, à J3 ou en fin de traitement, ne sont pas indispensables. Et si vous pensez que c'est indispensable parce qu'il y a une mauvaise évolution, il faut le faire. Si vous voyez que la clinique, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de signes, ce n'est pas la peine de faire le CB dans la cystite. Vous avez compris? Donc, la réponse... Chez Huria, premier exercice, qu'est-ce que vous allez faire? Un minimum de bilan, c'est... Est-ce que vous allez faire l'échographie? Non. Qui a dit non? Alors, justement. Alors, il faut savoir... Et c'est ça, on a été... L'enseignement change. On nous a enseigné avant et tout. On nous disait... Un enfant qui fait un premier épisode, c'est une fille, cystite, c'est pas dangereux. Une cystite, elle ne fait pas. Si elle refait, on fait une échographie. D'accord, et on a dit, bon, est-ce que c'est juste? Toujours, il faut douter. Ensuite, cette attitude est retrouvée actuellement dans les pays développés. Et ensuite, question, qu'est-ce qu'on nous, on va faire? Alors, pourquoi c'est également discuté? C'est que il faut savoir que dans les pays développés, vous savez ce que c'est que le diagnostic anténatal? Quand on fait des échographies en anténatal, on peut découvrir des malformations. On peut ne pas découvrir. Mais on a l'échographie du troisième trimestre, si elle est bien faite, elle peut nous dire qu'elle est normale et les reins sont en place. Il y a des reins. Certains pays dans le monde, ceux qui ont l'échographie, ceux qui ont le diagnostic anténatal performant, vous disent l'échographie de troisième trimestre, elle est normale. Cet enfant qui a 3 ans, qui a fait une cystite, je ne lui fais pas. Mais nous, dans notre contexte, tout enfant qui fait un premier épisode d'infection urinaire, même si c'est une cystite, il faut au minimum lui faire une échographie. Si vous allez faire... on n'a pas le temps, il faut qu'on connaisse. D'accord, vous avez compris. Faites attention, il faut quand même un bilan. Alors, cet enfant toujours Huria, allez, on va terminer l'exercice par ça. Je lui fais l'échographie, il n'y a rien, les causes sont normales et ainsi de suite. Mais je veux la suivre. Pourquoi je veux la suivre? Parce que les infections urinaires, 20 à 30 à 40% des enfants vont récidiver. Il faut que, va falloir que je le suive en consultation. Je vais la suivre pendant une année. L'évolution a été faite, a été bonne. Un ECB fait 3 mois après retrouver une infection urinaire, alors que la fillette ne se plaint de rien. Et l'examen clinique est tout à fait normal. Le traitement antibiotique s'impose, vrai ou non? Eh bien, là vous avez compris. Attention, mais cette erreur, elle est faite, elle est faite. Pourquoi la guérison clinique et la guérison bactériologique Regarde l'énoncé. Cet enfant, Huria de 3 ans et demi, elle fait une cystite. Nous avons, l'avons traité. On a choisi un antibiotique. Après, on a regardé le CB. Est-ce qu'on a bien fait? La résistance, si je donne des cotrimoxazole et je vois qu'il est sensible, je continue. Alors, il faut faire très attention à ça. Ensuite, l'évolution a été bonne. J'ai jugé pendant 5 jours que je ne vais pas faire de CB. Mais dans le contrôle, j'ai envie de la suivre pendant une année. Et je vais dire, je vais faire des ECG tous les 3 mois, par exemple. Et je tombe sur cette situation. Hop, le CBU qui est positif. Il y a une bactériurie significative. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la traiter ou pas? Alors, il y a deux erreurs à ne pas faire. La première erreur, il n'y a aucun signe clinique. L'examen est tout à fait normal. Et quand j'ai fait un ECB comme ça, sans signe, c'était positif. C'est la bactériurie asymptomatique. Surtout, il ne faut pas la traiter. Quelle est la deuxième erreur qui a été faite dans l'exercice? C'est qu'on a demandé des ECBU de contrôle. On le faisait il y a quelque temps. Il ne faut jamais demander des ECBU de contrôle de façon systématique. Vous pouvez tomber sur une bactériurie asymptomatique. Ce qui veut dire, si on veut surveiller un enfant qui a une infection urinaire, on lui a fait une échographie, il n'y a pas de malformation, on le suivra. Ce n'est que lorsqu'il fait des signes d'appel clinique qu'on demanderait un ECBU. Pas de CBU de façon systématique. Ça, c'est récent. Il ne faut pas faire. Vous risquez de tomber sur ça. Et ça, si vous traitez, regardez, faux. L'examen systématique dans les urines chez les filles scolaires, 5% de base, on en a parlé. La bactériurie asymptomatique, cercle vicieux. Infection, traitement, rechute, traitement, et même les germes qui vont arriver, c'est des traitements multirésistants. C'est clair? Très bien. Ne pas traiter en rouge. Caféinique numéro 2, Aya. ML, c'est une fille encore, mais vous avez, si on attend, on a également un cas de garçon également. ML, elle fait des infections urinaires à répétition. Elle est âgée de 5 ans. Elle a commenté ses dents, donc 3 épisodes cystites, à 3 ans et demi, à 4 ans. Et elle se plaint donc de dysurie, d'énurésie nocturne depuis une dizaine. Il y a des petites erreurs, excusez-moi. L'examen clinique retrouve un bon état général, température à 37. Elle a une croissance. Donc cette fille de 5 ans, c'est pas comme Huria, ML, elle fait des infections qui sont répétées. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la bandelette urinaire et faites et retrouve des leucocytes et des nitrites. Donc on a fait une bandelette urinaire. Il faut savoir que quand il y a des signes d'infection, si vous avez des signes d'appel urinaire, c'est plus la peine de faire la bandelette urinaire. Vous avez des signes d'appel urinaire, hein, d'accord. La bandelette urinaire, on la fait lorsqu'il n'y a aucun signe. On ne sait pas si c'est vraiment une infection, c'est un test de dépistage. Le prélèvement pour faire une bandelette urinaire doit être fait dans les mêmes conditions, comme un ECBU. Bon, ça c'est pas... Ça prête confusion. Bon. Attendez. Vous faites de retrouver des études. Qu'est-ce que vous voulez poser une question? J'ai zappé Est-ce que c'est dans les mêmes conditions? Il faut le faire. Alors, est-ce qu'il faut le faire comme les... Alors, là, il y a une confusion. Longtemps, il y a une confusion. On pensait qu'il faut le faire dans... Non. Il faut le faire dans les mêmes conditions. Pour quelle simple raison? C'est que quand vous allez recueillir les urines sur lequel vous allez faire la bandelette urinaire, vous allez envoyer ce même prélèvement, il faut qu'il soit bien fait, c'est tout. Il n'y a pas d'interaction entre le fait de faire la bandelette urinaire et peut-être que vous allez contaminer cette bandelette urinaire. C'est pas ça. Longtemps, on n'a pas bien compris, mais finalement, il faut le faire dans les mêmes conditions qu'un prélèvement pour le CBU, parce que c'est sur le même prélèvement que vous allez faire la bandelette, hop, et après vous allez envoyer les mêmes urines au laboratoire. Oui. Oui, dans les mêmes conditions. Parce que c'est le même prélèvement. Vous avez trouvé des leucocytes et des nitrites. L'infection urinaire est très probable. L'infection urinaire est probable. L'infection est peu probable. Cela ne veut rien dire. Laquelle? 4. L'infection urinaire est très probable. Rappelez-vous, leucocytes, nitrites, sensibilité de 93%, forte probabilité. Rappelez-vous, on en a parlé, on est là. un même qui a fait des infections répétées, on a fait une bandade urinaire, nitrite, leucocyte, probablement une infection. En attendant les résultats de l'ECBI, nous avons prescrit de l'amoxicilline. J'aurais fait la même chose. J'aurais donné par voie intramusculaire, car c'est une cystite récidivante. Attitude fausse, car le germe le plus souvent trouvé est Escherichia coli, il est souvent résistant à l'amoxicilline. J'hospitalise l'enfant et je le mets sous bi-antibiothérapie. Pourquoi l'attitude elle est fausse? Parce qu'on n'a pas tenu compte des données pharmacocinétiques et dynamiques. L'amoxicilline, il n'a pas un taux, rappelez-vous, du quotient inhibiteur supérieur à 8, il est à 2. Donc je n'ai pas bien choisi. Et pour l'amoxicilline, effectivement, il y a une forte résistance aux aminopénicillines, d'ailleurs. Par rapport à Escherichia coli, qui est le germe le plus fréquent, les résistances sont élevées. Donc vous avez choisi un mauvais antibiotique. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas le bon antibiotique qu'il fallait peut-être choisir. Bon, je vous ai montré les résistances en Algérie. Hein. Regardez, l'Algérie, la France, le Maroc, la Tunisie, en rouge, la résistance des Escherichia coli aux aminopénicillines est très très élevée. Elle dépasse 70%. Égale amoxil, les aminopénicillines, il ne faut pas les utiliser en première intention, ce n'est pas bon. La même chose ici. Le CBI retrouve effectivement un Escherichia coli résistant à l'amoxicilline. L'antibiotique sera choisi selon l'antibiogramme, vu la répétition d'ici. Je décide de rechercher une uropathie malformative. Rappelez-vous, cet enfant, elle fait des infections répétées. Problème. Je l'ai traité. Je choisis une bonne antibiotique. Et après, je pose la question, pourquoi est-ce qu'elle fait des infections? Donc, je vais faire des examens complémentaires. Lesquels? Échographie. Premier exercice, cystite. Premier épisode, on n'a fait que l'échographie. ML, elle fait des infections répétées, cystite répétée. Il faut lui faut quand même une échographie plus une CUR. Donc la bonne réponse, c'est... Attendez, voilà. Voilà, donc finalement, c'est l'échographie et la cystographie. Je vous ai parlé de la cystographie tout à l'heure. Je vous l'explique. Voilà. On fait un cathétérisme. On injecte un produit de contraste. Et on prend la radio. Elle devrait montrer la filiation d'un cervico-urétral, la vessie, l'aspect de la vessie, et c'est tout. Tout ce qu'on voit en haut, on ne devrait pas le voir. Donc, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Un reflux vésico-urétéral. Au passage, son échographie était tout à fait normale. Donc son problème, c'est le reflux vésico-urétéral. Et rappelez-vous, donc, dans le... Voilà, schématiquement, c'est la classification internationale. On peut avoir un petit reflux. Hein. On peut avoir un reflux grave de urétéropie localicielle sans dilatation. On peut avoir urétéropie localicielle avec dilatation modérée. On peut avoir une urétérose, regardez le tiers comment il devient obscur avec une dilatation du bassiné. Et regardez le cercle qui est tortueux, sinueux, une dilatation importante et qui est unie dans les fosses. Heureusement que le 4 et le 5 sont les moins fréquents, les plus fréquents que cela. Et cela, avec le temps, peut disparaître. Donc, ML, elle a un reflux de quel type? 2. Pourquoi 3? Il n'y a pas de dilatation. Il n'y a pas de dilatation. Regardez, il n'y a pas de dilatation. En principe, c'est le 1-2. On doit proposer à un mec. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Quand on parle de l'infection urinaire, rappelez-vous, il y a toujours une part du reflux vésico-urétéral. Il faut connaître un peu. Voilà le reflux. Qu'est-ce que vous allez surveiller? Donc, traitement énergique de toute infection urinaire. Quand vous avez un reflux, il y a un risque qui est récidive de l'infection. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Est-ce que vous allez surveiller chirurgie, antibioprophylaxie, traitement endoscopique? Alors, je vous donne une information. Le traitement antibioprophylaxie, c'est quoi? C'est de donner un traitement, par exemple le sulfaméthoxazole, on ne le donne pas en deux prises, on le donne en une seule prise, On ne le donne pas à la dose qu'il faut, 8 mg par kilo, on donne 20%. C'est une petite dose qu'on donne la nuit, le soir. Pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'antibioprophylaxie. Pourquoi ? C'est pour éviter les rechutes, les infections, en donnant le temps à la jonction visico-urétérale d'avoir une maturation, parce que le reflux peut disparaître. Il disparaîtra autant plus vite qu'il est petit. S'il y a un 5, il va rester beaucoup de temps pour disparaître. Le 1 va disparaître en 6 mois, une année, et ainsi de suite. Antibioprophylaxie. Chirurgie du reflux, c'est généralement, on opère les reflux qui sont de gros reflux, qui vont persister, qui ont donné des infections, qui sont en source d'infection. Là, il faut peut-être aller opérer. Le traitement endoscopique, c'est une technique. On injecte un produit, le téflon, en endoscope, on parle endoscope, et on va au niveau de la jonction, on va la renforcer. Hop, il n'y aura pas de... C'est possible. C'est possible. Alors, la réponse, c'est surveillance, traitement énergique, toute infection. Qu'est-ce que vous allez choisir si vous avez, si vous répondez bien à cette question? Ah, ça veut dire que tout le reste, vous l'avez... Alors, pourquoi pas la chirurgie? Parce que ce n'est pas un gros reflux. Pourquoi pas le traitement endoscopique? Parce que le traitement endoscopique, il vous donne des résultats. Il y a des résultats. Mais souvent, il faut reprendre une deuxième fois, une troisième fois pour avoir un résultat à 100%. Et les bons résultats par le traitement endoscopique sont obtenus dans les reflux 1 et 2. Et les reflux 1 et 2, on sait qu'ils sont actuellement. Ce n'est pas un facteur de risque qu'il y ait des répétitions d'infection. Et ça va disparaître avec le temps. Donc, on ne va pas mettre un traitement coûteux. C'est coûteux de mettre un traitement. Pour un traitement qui va, peut-être pour un reflux qui va disparaître. Donc, ce n'est pas approprié. Il reste l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, il faut savoir que quelque chose de nouveau dans l'antibioprophylaxie, retenez, c'est nouveau. Nouveau, c'est 2014-2015, même actuellement. Le reflux grade 1 et 2, voire même 3, il n'y a pas de preuve que quand vous mettez l'antibioprophylaxie, ça réduit les infections par rapport aux enfants qui n'ont pas pris. Les études qui ont été comparatives. Si vous mettez beaucoup d'antibioprophylaxie, on a remarqué qu'il y a des infections multirésistantes qui vont arriver par la suite. Donc ce qu'il faut retenir, le 1 et le 2 et le 3, l'antibioprophylaxie actuellement elle est inutile. Elle reste utile dans le 4 et le 5. La meilleure attitude actuellement, c'est par rapport à ce reflux qui est de grade 2, c'est de surveiller l'enfant. Quand il fait une infection, il faut la traiter. On peut même faire de l'éducation, parce qu'on va voir ses parents souvent. On va apprendre à la maman et au père également qu'est-ce que c'est qu'une bandelette urinaire et comment il faut l'utiliser même à la maison. Donc, voilà. Voilà, l'antibioprophylaxie prescrite pendant plusieurs années dans le reflux 1, 2 ou 3, et actuellement abandonnée, la chirurgie endoscopie sera proposée dans les reflux plus importants. Voilà, ML est revu périodiquement avec un examen clinique complet. On explique aux parents qu'ils doivent être vigilants et qu'ils doivent faire un ECB avant tout signe urinaire, devant tout signe urinaire ou fièvre inexpliquée. Devant l'absence d'infection urinaire répétée, il sera inutile de refaire l'UCR. D'accord. On va terminer par les deux. Premier exercice, cystite, premier épisode, égale traitement par voie orale, 5 jours, échographie. Deuxième exercice, infection urinaire basse mais répétée. D'accord, on traite bien sûr, on cherche la cause et on fait une échographie et c'est là où on fait la CUM. Troisième exercice, le dernier, je vais essayer de finir. Alors cette fois-ci, c'est un garçon. Il est âgé de 2 ans. Il a de la fièvre à l'attention depuis 7 jours. Et c'est une tracasserie, donc il arrive aux urgences de pédiatrie. Il y a eu un traitement antipyrétique sans résultat. Il n'y a pas eu d'antibiothérapie préalable, c'est bien. On examine l'enfant, il est en bon état général. Il a un examen de la gorge, une autre pas de pharyngite. L'examen pleuropulmonaire est normal. L'examen ne retrouve pas d'otite. Attention à l'otite. Devant ce tableau clinique, quels sont les diagnostics différentiels? On en a parlé, je vais aller vite. Une infection donc ménagée, une pneumonie ou une infection urinaire. C'est à vous de voir. Attention, ne dites pas, c'est peut-être une pyélonéphrite et vous allez passer à côté d'une méningite. La méningite, c'est une urgence. Troubles neurologiques, irritabilité, l'enfant n'est pas bien, égale PL. Il faut pas faire très, faut très attention. S'il a des signes d'appel respiratoire, il a des signes respiratoires, c'est peut-être une pneumonie, vous allez faire un téléthorax. Mais s'il n'a rien de tout ça, il faut penser à l'infection urinaire. Et la question qui va arriver après, je vais m'asseoir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Une formule, vous allez faire un bilan inflammatoire, une écho. Qu'est-ce que vous allez faire en urgence? En urgence, qu'est-ce que vous allez faire? La bandelette, regardez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la formule, la VS, mais ce n'est pas ça qui va vous régler le problème. C'est la bandelette urinaire qui va vous régler le problème aux urgences. Tous ces examens permettent-ils de retenir définitivement le diagnostic? Non. Non, pourquoi? Parce que le diagnostic, il est... Le diagnostic de l'infection urinaire est bactériologique. Tout cela n'est pas suffisant. Ça va vous aider, oui, pour prendre en charge l'enfant, oui, pour décider de mettre l'antibiothérapie en urgence ou pas. Mais ce n'est pas suffisant. Attention, il faut quand même de faire le CBU, le prélèvement. Quelle serait votre conduite à tenir chez cet enfant? Qu'est-ce qu'il a comme diagnostic? Qu'est-ce qu'il a comme diagnostic? Une pyélonéphrite aiguë. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, vous avez plusieurs... comment vous allez le traiter? Qu'est-ce que vous allez choisir concrètement chez lui? On en a parlé. Déjà hospitalisé, il faut une céphalosporine, troisième génération. Alors, la gentamicine, les aminosides, ce n'est pas obligatoire la bithérapie. Elle est obligatoire dans la pyélonéphrite quand il a moins de 3 mois, quand le tableau clinique est sévère. Si vous avez une pyélonéphrite chez un enfant, il n'a pas les signes de gravité, c'est ça les signes de gravité, c'est le tableau clinique. Vous pouvez donner une monothérapie à condition de donner une céphalosporine. Si c'est un jeune nourrisson, moins de 3 mois, pour certains 6 mois, vous êtes obligé de rajouter les aminosides. Donc qu'est-ce que vous allez choisir? Quelle est la proposition que vous allez choisir? La dernière, très bien. Vous allez donner que 4 jours, c'est bien. Après, quand vous voyez qu'il est bien, vous passez à la voie orale. Quel examen complémentaire vous allez faire? CUM. Les autres? Échographie. D'accord. Est-ce que vous allez faire un autre examen? Dites, même si c'est faux, c'est pas grave. Est-ce que vous allez faire la CUM? Pardon? Ça dépend. Très bien, bonne réponse. L'échographie est normale. On ne fait pas. Alors qu'il y a en 2011, l'Académie américaine de pédiatrie, hein, ce n'est pas X ou Y, hein, dans ses recommandations, vous disent, quand vous avez une infection urinaire, pyélonéphrite, premier épisode, faites l'échographie et la CUM. Maintenant, on a enlevé la CUM. Premier épisode, non. D'accord. Donc, vous lui faites une échographie, sauf s'il y a une hydronéphrose ou autre, ah, vous allez programmer de faire la CUM, c'est vrai. Mais si l'échographie, elle vous dit qu'elle est normale, même si c'est une pyélonéphrite, c'est un premier épisode, je ne ferai pas de cystographie. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions. On a pris du temps, j'ai terminé. On a fait un peu vite. Alors, les aminosides. Chut, je vous donne un mot sur les aminosides. Vous avez cours à quelle heure, comme ça je peux. Oui. Encore. Pardon? Les aminosides. Ah, je termine par ça. Très bien. Alors, les aminosides, il faut savoir. Les aminosides, ils ont des vertus bactériologiques. Quand vous donnez les aminosides, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'effet rémanent. Vous savez ce que c'est que l'effet rémanent? Les aminosides, il faut faire attention. Il y a la néphrotoxicité, il ne faut pas trop le donner. Mais quand on les donne pendant 2 ou 3 jours, même 4 jours, il y a l'effet rémanent. Quand vous l'arrêtez, l'effet persiste en intrarénal. Quand on les rajoute aux céphalosporides, très vite, ils diminuent l'inoculone. Ça veut dire qu'il y a une efficacité qui est supérieure à utiliser peut-être un seul traitement. D'accord. Mais il n'y a aucune étude qui prouve que quand vous allez donner 2, c'est mieux que de donner une céphalosporine seule. C'est pour cela que je vous ai dit, je termine par ça, les aminosites dans la pyélonéphrite aiguë ne sont pas systématiquement associés aux céphalosporines de troisième génération, sauf si vous avez l'âge au moins 3 mois, ou 6 mois pour certains. Si le tableau clinique est grave, vous avez un sepsis, vous dites attention, je ne donnerai pas une seule, il faut rajouter quand même les aminosites. Dans les autres cas, si vous donnez une céphalosporine, vous pouvez rester dans une monothérapie. Voilà, j'ai terminé. Donc la première. Quelle première? Non. Oui, bon, ça peut se discuter. Cet enfant, il a 2 ans, effectivement. 2 ans. Mais il ne faut pas donner pendant 10 jours, parce que c'est beaucoup. 4 jours. La proposition la plus appropriée, c'est celle-là. Donc 7 jours. Vous donnez par mois, s'il vous plaît, c'est pas le score, 4 jours. Associé à la dépravissée pendant 4 jours. Après, il y aura l'apérixie. Et après, on passe à la voie morale pour compléter pour 6 jours. Ça vous fait un traitement de 10 jours. Et c'est terminé.